بحث عن عنوان. لكن أين منزلك؟ Mais où est donc ta maison؟ على اليسار بعد الساحة. À gauche, après la place. ومكتبك. Et ton bureau؟ في العنوان نفسه. À la même adresse. ذهبت إلى هناك بالأمس، لكن المكان كان فارغا. J'étais là-bas hier, or c'était vide. كانت ورشة، أما اليوم جاهز. C'était un chantier, mais aujourd'hui c'est prêt. أريد زيارتك لأنني أنتظرك منذ وقت طويل. Je veux vous visiter car je vous attends depuis longtemps. بكل سرور. في المنزل أم في المكتب؟ Avec plaisir. À la maison ou au bureau؟ في المنزل. À la maison. إذن سأكون عندك في الخامسة. Donc, je serai chez vous à 5 heures.